Non, ce soir on parlait pas. Y'a que solo, j'suis en peine pourvu. À 2h40, les phares éteints. Au cul, la BRB. Hey. J'mène la vie de rue, la casseur, celle où l'avenir n'est pas sûr. Les pères sortent coffre, les passeurs, drogue douce, dure, les vrais assos. Ceux qui prennent leur mal en patience, parce qu'au placard c'est la base. Et sache qu'on se rincera une fois que Drahum coulera en abondance. Marche arrière, mec, et ils ne parlaient pas, ne parlaient pas. T'étais où quand j'tourne un mandat dépôt? Maintenant j'connais son père et j'prends ma part dans la part. Là c'est là, et de quoi régler les blèmes, bro. Mais tu sais, dehors ça sert à rien des gens. Y'a des méchants, ça fait flipper comme Rokesha. Hard comme Crenshaw. Tu me connais à peine, tu dis que j'ai chant. Moi-même j'me quécho. Sur 5 j'ai fait un an de cachot. La solitude m'a pécho. Les blessures du passé ne se réparent pas. J'me demande si j'vais mourir en paix. Bon vu. La sécu tu raté sous pare-balle. Hard pot, c'est les pour ceux qui veulent. Wesh, bon vu. Ne jamais on en a vu des choses. C'est pas les films qui m'ont pris que la rue est dangereuse. T'as sous-estimé quelqu'un, il t'a fait quelque chose. Tout le monde a faim, tout le monde est fou et calibré. Bon vieux. Mande à la guêpe, la rue c'est danger. Elle te shoot. Libérable, on a repris le bon char. Viens pécho. Mais tu sais que dehors ça rien des champs. Y'a des vrais méchants. Y'a pas de RAP, ça t'es sous. Ça sert à rien des champs. J'me demande si j'vais mourir en paix. Je me demande si je vais mourir en paix. Qui verra le futur en aura peu. Pour des mecs comme nous. On veut. Moi je te parle pas de musique quand je dis que mes potes vont dans CD. Y'a que des red nose dans la chienneté. Si les types puent déjà l'ancienneté. Tout le monde a faim, tout le monde est fou, tout le monde est calibré. On veut. Ne jamais on en a vu des choses. C'est pas les films qui m'ont pris que la rue est dangereuse. T'as sous-estimé quelqu'un, il t'a fait quelque chose. Tout le monde a faim, tout le monde est fou et calibré. Mande à la guêpe, la rue c'est danger. Elle te shoot. Libérable, on a repris le bon char. Viens pécho. Mais tu sais que dehors ça rien des champs. Y'a des vrais méchants. Y'a pas de RAP, ça t'es sous. Ça sert à des champs. J'me demande si j'vais mourir en paix. Bon vieux. Qui verra le futur en aura peu. Des mecs. J'me demande si j'vais mourir en paix. Mes bons vieux partis trop tôt. Ceux qu'on saignait les patotons. Les petits frères qui béton. Il reste encore des braves, mais la plupart sont morts ou ils n'étourent. C'est le Valré fou. On se ressemble tous dans le fond. Comme Green et la grande borne ou le franc. On connaît les vrais, les faux. Et même les plus fous. T'as capté. De tes rêves à la casté. Bon vieux.